Unité 3. Leçon 2, page 35. Entre 1970 et 2000, quelles sont les années que vous avez préférées ? Sans hésiter, les années 1970. Oui, j'ai aimé vivre pendant ces années-là. Pourquoi ? C'était des années heureuses. Les gens avaient du travail, gagnaient de l'argent, il n'y avait pas de sida, pas de chômage. L'avenir était à tout le monde. La musique aussi était gaie. C'était l'époque de la musique disco. Une musique pour faire la fête, pour danser. Et puis, souvenez-vous, les vêtements, le mobilier, tout était couleur flashy. On voyait vraiment la vie en couleur. C'était comme dans Air. Il fallait laisser briller le soleil. On peut dire que le monde était à ceux qui voulaient le prendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup voyager. L'Inde, le Mexique, les États-Unis aussi. Bien sûr, le monde devenait proche. Enfin, il y avait cette idée folle qu'on allait changer le monde. Avec des fleurs. Le flower power. Quelle folie !